Audiomatique. Skip. L'ouverture musicale de la transmission 032 d'Audiomatic était l'œuvre du trio britannique Saint-Étienne qui nous présentait la pièce Like a Motorway, remixée ici par le duo britannique Otecker sous le nom de Skin Up, You're Already Dead. Cette version se trouve sur le CD single Like a Motorway et la version originale est parue sur le troisième album de Saint-Étienne qui porte le titre de Tiger Bay. Les électronistes vous accueillent parmi eux jusqu'à 18h avec des compositions électroniques puisant leurs sources dans différents courants musicaux. L'idéal qui nous anime, c'est que les artistes ne devraient jamais se restreindre à un seul style, mais plutôt transcender les genres musicaux pour produire des pièces originales, qu'elles soient déstabilisantes ou surprenantes. C'est d'ailleurs cette philosophie qui motive l'artiste Ushmit, que nous vous présentons à l'instant à travers l'un de ses nombreux projets musicaux. Ici, sous le pseudonyme de Lisa Carbone, il nous offre une musique électro aux influences latines, plus particulièrement brésiliennes, avec sa pièce Hot Lips, tirée de l'album Trio de Janeiro. Thank you. Nous terminions cette séquence avec la collaboration entre l'artiste Aaron Spectre et le projet Prodigal Son, deux entités sonores qui sont apparues et disparues dans la deuxième moitié des années 2000. La composition Seiyei que nous entendions paraît sur la mini compilation vinyle de 4 pièces intitulée State of Mind, produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. Et nous amorcions cette séquence de 2 pièces avec Lisa Carbon, un des nombreux projets de l'artiste Ushmit. La composition Hot Lips paraît sur l'album Trio de Janeiro, paru en 97. Audiomatique se poursuit maintenant avec une collaboration toute française, soit la collaboration entre Absolum et Nomade. Services hotline. for emergencies only. The Go 4 Astromotion Optics is gaining, figuring that out. C'est fou 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatique, il s'agissait de la collaboration entre Christophe Drouillet, qui est derrière le projet Absolum, et Farid Merbouche, qui œuvre sous le pseudonyme Nomade. Ensemble, ils ont composé la pièce The Game, qui est formée de deux parties. Ici, nous entendions la première partie de cette longue pièce à forte saveur psytrance. On fait maintenant un saut en 1990 avec une pièce de la formation Voltage Control. Voici Jack Hallucinates. To and wish to. men will go into space because they need to and wish to. Three men took the imaginary trip. They enjoyed every moment of it, even the sensation of weightlessness. Thank you. Le duo Helium Vola vient de terminer cette séquence avec la pièce Manifesto, tirée de son avant-dernier album Für euch die ihr liebt. Les deux compositeurs derrière Helium Vola, soit Ernst Horn et Sabine Lutzenberger, réussissent à créer une musique qui mélange bien les sonorités électroniques avec des mélodies davantage gothiques, éthérées et médiévales. Avant Helium Vola, nous entendions la formation suédoise Auto da Fé et sa pièce The Chase, parue sur le mini-album Re-Electro, sorti en 2009. Notez que le groupe vient tout juste de sortir son sixième album intitulé Digital Citizens. Et on entamait le bloc de trois pièces avec Voltage Control, une formation qui a produit un album et deux EP en 1990-91. Nous écoutions Jack Hallucinates, une pièce tirée de l'album EP Force d'Inquisition, paru en 1990 en vinyle seulement. Nous en sommes déjà à vous présenter la dernière pièce de l'émission, qui sera interprété par le Californien Don Bentley, mieux connu en tant que Freaky Chakra et aussi proche collaborateur du projet Single Cell Orchestra. La pièce a pour titre « Budded on Earth to Bloom in Heaven » et Tony Halliday, la chanteuse du défunt groupe britannique Curve, a prêté sa voix pour cette chanson. Précisons que nous entendrons la version post-neo-ambient jungle pot-pourri qui se retrouve sur le maxi Budded on Earth to Bloom in Heaven, qui contient bien sûr plusieurs versions remixées. Toutes ces versions remixées ont été faites par Freaky Chakra lui-même. La version originale de la chanson que l'on entendra, elle est parue sur le premier album de Freaky Chakra, intitulé Lowdown Motivator. C'est ainsi que se terminera de belle façon la transmission 032 d'Audiomatic. Fidèle au poste, les électronistes seront de retour mercredi soir prochain dès 17h pour vous proposer une autre heure de découverte musicale pigée à même le vaste répertoire de la musique électronique. Si jamais cette heure de musique ne vous est pas suffisante et que vous êtes avide de découvrir d'autres artistes, nous vous invitons à consulter notre page à facebook.com/audiomatic-cfou afin d'avoir accès à toutes nos anciennes transmissions. Prenez note qu'Audiomatic est également présenté en rediffusion sur les ondes de C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Voici donc, comme promis, Freaky Chakra, accompagné de Tony Halliday et la chanson « Budded on Earth to Bloom in Heaven » post-neo-ambient jungle pot-pourri. Bonne semaine! Bop.

Sinister.